Chapitre 17e. Conspiration des frères Clavering. Une semaine entière s'était écoulée depuis la soirée que Harry avait passée dans Bolton Street, et il n'avait pas revu Lady Ongar. La raison qu'il avait pour ne pas retourner encore chez elle était l'impossibilité où il s'était trouvé jusqu'ici de s'acquitter de sa commission relative au comte Pateroff. Deux fois, il avait demandé vainement à voir le comte dans Mount Street et au club de Pall Mall. Il paraît qu'il se montrait rarement dans l'un ou dans l'autre endroit. Il fréquentait un autre club, mais Harry ne pouvait parvenir à le découvrir. Chaque fois qu'il avait passé dans Mount Street, la domestique l'avait invité à entrer pour voir Madame Gordeloup, mais il avait refusé, alléguant qu'il était trop pressé. Il finit pourtant par se décider à voir la sœur du comte qui seule pouvait le mettre sur la trace de son frère. Harry avait une autre raison pour ne pas se rendre chez Lady Ongar, raison qu'il ne s'avouait pas lui-même. Il n'osait se fier à elle. Il craignait de se laisser entraîner à trahir Florence, à se jeter aux pieds de Julie et à violer tous les serments faits à sa fiancée. Il sentait que sa position était celle de l'ivrogne qui, ayant juré de braver la tempérance, se trouve en présence d'une coupe de vin généreux qu'on approche de ses lèvres. Le plus sûr moyen de résister à une pareille tentation est la fuite. Mais s'il n'approchait pas de Bolton Street, il ne pouvait plus se contenter de la société de Hounslow Crescent. Il se trouvait malheureux, mécontent de lui-même et des autres, et faisait piètre figure auprès de Cecilia Burton. Il trouvait que le sort l'avait maltraité. Il avait aimé Julie Brabazon quand elle était presque sans fortune, car ce n'était jamais de ses richesses qu'il s'était préoccupé. Maintenant, s'il eût été libre, libre de ses chaînes, qu'il s'était mis au cou à Stratton, il aurait pu demander à Julie son cœur en dépit de sa perfidie passée. Mais l'amour seul et non l'intérêt eût inspiré sa démarche. Était-ce sa faute à lui s'il avait aimé cette femme, si après l'avoir épousée, elle revenait maintenant à lui? Ou bien avait-il eu tort de croire qu'il aimait une autre jeune fille après la perfidie de sa première inclination? Que pouvait-il faire? S'il s'apercevait que son cœur appartenait en réalité à la femme qu'il avait aimée la première. Sa position était péniblement délicate, et il ne pouvait se résoudre à retourner à Hounslow Crescent pour y entendre chanter les louanges de Florence Burton, sa fiancée. Il savait bien ce qu'il avait à faire, mais il ne pouvait se résoudre à embrasser ce parti. Tout ce qu'il avait à faire était de faire connaître à Lady Ongar sa position. Alors tout danger était passé. Sinon toute souffrance. Un mot suffisait, et elle comprendrait de suite ce qu'il voulait dire. Mais ce fut précisément ce qu'il ne voulut pas faire. Il se mit à parcourir la ville comme une âme en peine, cherchant le comte et se regardant comme une victime prédestinée des coups du sort. À la même époque, Lady Ongar l'attendait, s'impatientait et s'irritait contre lui parce qu'elle ne le voyait pas venir. Sir Hughes Clavering était en ce moment à Londres avec son frère Archie. Sir Hughes tirait de son revenu tout le parti possible. Il n'était pas homme à s'endetter et à mettre à la charge des années à venir les jouissances du présent. Sa sagesse mondaine le préservait de ses écarts. Mais il avait soin de compter toutes ses dépenses, cherchait le bon marché, et l'on commençait à dire qu'il avait trouvé une maison où il achetait à prix réduit les vins qu'il faisait boire à ses amis. S'il jouait aux cartes, son enjeu était médiocre. S'il pariait, la somme était des plus modestes. Et toujours, il s'arrangeait de manière à mettre quelque chose de côté à la fin de l'année. C'était un homme peu aimable, mais qui ferait la joie de son héritier pourvu toutefois qu'il ne fît pas trop attendre sa mort. Il avait conservé à Londres, dans Berkeley Square, une maison modeste que lui avait léguée son père. Lady Clavering y passait la saison avec lui, ou du moins une partie de la saison. Mais cette année-ci, il avait décidé que Lady Clavering ne viendrait pas du tout. Et Sir Hughes se demandait s'il ne ferait pas bien de louer son hôtel. Cela lui rapporterait au moins 25 000 francs par an. Quant à lui, il louerait un appartement. Il n'avait nulle envie de quitter Londres, mais son hôtel lui devenait parfaitement inutile du moment que Lady Clavering ne venait pas en ville. Un des résultats qu'il avait en vue était de se défaire de son frère Archibald. Quand celui-ci allait à Clavering, la maison lui était ouverte. C'était une nécessité de position pour Hughes Clavering, qui n'aurait pu, sans se brouiller avec son frère, lui fermer sa porte. Archie, du reste, était soumis. tirait le cordon de la sonnette quand on le lui disait, s'occupait des chevaux, surveillait les domestiques, et probablement économisait autant d'argent qu'il en coûtait. À Londres, c'était bien différent. Là, nul n'est tenu d'offrir à son frère cadet le gîte et le couvert. Archie avait néanmoins réussi à s'introduire chez son frère, mais celui-ci le souffrait à contre-cœur et cherchait le moyen de reprendre l'appartement occupé par Archie. À l'époque dont nous parlons, Sir Hughes méditait un plan dont la réussite aurait modifié considérablement la position sociale de son frère. En cas de succès, il aurait pu être fier d'Archibald, et celui-ci aurait été à même de payer son enjeu, même à son frère, quand il aurait perdu au whist. Si Archie pouvait réussir à gagner la main de Lady Ongar, il n'aurait plus à tirer le cordon de la sonnette ou à s'occuper de l'écurie. Il aurait des chevaux à lui et peut-être aussi quelqu'un sous sa dépendance pour s'en occuper. Hughes ne pouvait donc congédier son frère de son domicile avant que celui-ci eût fait une tentative auprès de Lady Ongar. Mais il voulait que son frère se mît à l'œuvre sans tarder, tandis que Archie ne croyait pas le faire assez chaud pour le battre. Il aurait voulu attendre que Julie se fût laissée attirer à Clavering pendant l'automne. Là, croyait-il, il avait plus de chances de succès qu'à Londres. Mais Sir Hughes était d'un tout autre avis. Bien qu'il eût invité Lady Ongar chez lui, il se réjouissait presque qu'elle eût refusé de venir. Si elle acceptait Archie pour mari, tout allait bien. Mais sinon, elle ferait mieux de rester chez elle. Le monde la regarderait de travers et il répugnait à Sir Hughes de prendre à son égard le rôle de paladin. Archie serait son protecteur, si elle voulait de lui pour mari, bien qu'à vrai dire, dans ce cas, elle ne dût avoir besoin d'aucun défenseur. « Elle n'est venue que depuis 4 mois, » dit Archie, en insistant sur la nécessité d'attendre. « Une pareille démarche ne serait pas très délicate. Qu'en dites-vous »« Délicate ?» reprit Sir Hughes. « Je ne vois pas ce que la délicatesse a à voir dans toute cette affaire. » « Je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas traitée comme les autres femmes. Si vous venez à mourir, ne serait-ce pas étrange qu'un individu vint demander la main d'Hermione avant l'expiration de son deuil ?»« Archie, vous n'êtes qu'un sot !» Et se disant, Sir Hughes eut un froncement de sourcils qui trahissait son irritation. « Ce que vous dites est de la dernière absurdité. Si vous ne voyez pas ce qu'il y a d'exceptionnel dans la position de Julie, ce n'est pas moi qui vais vous le dire. » « C'est une position exceptionnelle, j'en conviens. Elle a de l'argent, une belle résidence, tout cela sa vie durant. C'est une position à part. Mais pensez-y donc, après 4 mois de veuvage, ce serait après 4 jours que la question serait la même. Ce qu'il lui faut, c'est un mari qui lui donne une contenance en face du monde. Si vous allez attendre qu'une nuée de prétendants s'abatte autour d'elle, vous perdrez toute chance de succès. » Vous verrez que l'année prochaine, à pareille époque, elle sera la reine des salons. Et si elle n'est pas fiancée à vous, elle le sera à quelqu'un d'autre. Je ne serais pas surpris que Harry songe à elle de nouveau. Mais il est fiancé à cette jeune fille que nous avons vue à Clavering. Qu'est-ce que cela prouve? Les engagements se défont aussi aisément qu'ils se contractent. Vous avez un grand avantage sur tous les autres concurrents, excepté lui. C'est que vous pouvez vous présenter chez elle sans que cela paraisse étrange. La fiancée de Harry peut le retenir à distance, pendant quelque temps. Dites-moi un peu, Hughes, ne pourriez-vous pas venir avec moi pour la première visite? Comment? Pour voir quelques disputes avec elle? Car elle ne manquerait pas de me chercher querelle. Non, Archie, si vous avez peur et vous n'osez pas y aller seul, vous ferez bien de renoncer à la partie. Mais je n'ai peur de rien. Après tout, elle ne va pas vous dévorer. Avec elle, sachez-le bien, vous n'avez pas besoin d'y aller par 4 chemins. Elle connaît sa position et comprendra de suite ce qu'elle a gagné et ce qu'on attendra d'elle. Si elle vous accepte, Hermione la laissera venir à Clavering tant qu'elle voudra, en attendant la conclusion du mariage. Il faudra attendre, je le suppose, au moins 1 an, et dans ce cas, le mariage aura lieu à Clavering. Ainsi, Julie Brabazon devait se voir conduire au même hôtel où elle avait épousé Lord Ongar, 2 ans après son premier mariage et 1 an après la mort de son mari. Ce qu'il y avait d'étrange dans une pareille idée ne frappa pas du tout l'esprit de Sir Hughes, mais il eut un point qui se présenta à l'esprit de son jeune frère à ce moment. « Vous ne pensez pas qu'il y ait eu à redire sur sa conduite ?»« Je n'en sais absolument rien, » dit Sir Hughes. « Je n'aimerais guère, voyez-vous. À votre place, je ne m'inquiéterais pas de cela. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé, » dit la Bible. Vous avez raison, reprit Archie, et là-dessus il s'en alla l'esprit entièrement satisfait. Néanmoins, l'entreprise offrait plus d'une difficulté dont il avait conscience. Il se mettait avec Lady Ongar dans la balance et trouvait qu'elle l'emportait de beaucoup sur lui. Les hommes, comme Harry Clavering, savent souvent très bien ce qu'ils valent et s'apprécient en conséquence, bien qu'il leur plaise de parler le ton haut, de se pavaner devant le monde, de brandir leur canne et de se donner des airs d'importance. Archie Clavering, qui s'était pesé dans la balance, pouvait à peine se persuader que Lady Ongar serait assez insensée pour l'épouser. Avoir 7 000 livres sterling de rente avec une ferme et un parc dans le Surrey, et lui donner le tout à lui, Archie Clavering, qui avait si peu de choses en sa faveur, non, la chose paraissait à peine possible. Cependant, sa sœur Hermione devait connaître quelque chose du caractère de sa sœur. Hughes, lui aussi, homme sérieux et bien posé dans le monde, croyait à la possibilité de ce projet. Qui ne tente rien à rien, se dit plusieurs fois Archie, et il se dirigea vers son club. Il y avait là un ami qu'il voulait consulter sur cette affaire. Le capitaine Boodle se trouvait toujours au Rat Club quand il n'était pas à Newmarket ou sur d'autres champs de course. Il avait quelque expérience et il était l'ami dévoué d'Archie Clavering. Celui-ci résolut donc de combiner avec lui son plan de campagne. Il n'avait rien de la hauteur et du ton impérieux de Sir Hughes, et Archie était bien résolu, si Lady Ongar lui donnait un jour sa fortune, s'il avait pour femme une comtesse à laisser son frère de côté. Boodle jouait à la poule quand Archie Clavering le rejoignit. Tant que la partie dura, il ne fut guère facile d'entamer une conversation confidentielle, et Archie dut se taire sur ce qu'il amenait pendant une partie de l'après-midi. Il eut l'habileté de se laisser gagner quelque argent par Boodle qui aimait à gagner et s'invita à dîner avec son ami. Ils parlèrent peu pendant leur dîner, excepté pour injurier le cuisinier ou pour discuter le mérite en même temps que le prix des plats qu'il demandait. Boodle ne rougissait pas de se refuser un mets parce qu'il était trop cher, et un de ses talents, dont il était très fier, consistait à bien dîner au meilleur marché possible. À la fin du dîner et la nappe enlevée, la conférence des deux amis commença. Boodle laissa son ami lui raconter l'affaire, lui signaler les avantages qu'elle offrait, les chances de succès qu'il avait, et lui exposer clairement la situation. On prétend, dit-il enfin, qu'elle est quelque peu excentrique. Vous le savez, les gens causent toujours. Ils causent, cela va sans dire. Et quant à l'argent, c'est une affaire certaine. On ne peut plus certaine, reprit Archie avec énergie. C'est Hughes qui a préparé le contrat. Il connaît toutes les clauses. Ne perdra-t-elle rien en rentrant dans le champ de course ? Reprit Boodle, à qui le langage du turf était familier. Pas un sou. Voilà ce qu'il y a de bon dans l'affaire. Lui avez-vous jamais fait la cour ? Comment ? Avant son mariage avec Ongar ? Oh, certes non. Elle n'avait pas le sou alors, voyez-vous. Et elle s'entendait à dépenser l'argent aussi bien qu'aucune autre fille dans Londres entier. Alors tout est à commencer, Clavering. Toute la montée est à gravir. Comment la monter? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Boodle? Je veux dire que 7 000 livres sterling de rente ne se gagne pas sans peine. Ce sera une rude besogne, à moins que vous n'en soyez amoureux. L'amour adoucit la tâche. Le fait est, Boodle, qu'elle est fièrement belle. Je l'ignore, mais je pense bien que Lord Ongar ne l'aurait pas prise, si elle n'avait eu quelque agrément et des manières comme il faut. Je n'ai jamais eu bien haute idée de la beauté de sa sœur, la femme de votre frère. Sans doute, elle se conduit bien, et c'est un grand point. Ce n'est pas elle qu'on verra jamais broncher. Quant à cela, laissez-moi faire seulement. Eh bien, Clavering, mon ami, voici mon avis là-dessus. Quand un homme essaie une jeune pouliche, il ne saurait y mettre trop de précautions. La moindre brusquerie la fera se cabrer ou se jeter de côté. Il faut qu'elle sente à peine le mort. Mais lorsque j'ai affaire à une jument déjà dressée, je lui fais sentir la bride. Me comprenez-vous? Oui, je vous comprends, Boodle. Dans un cas pareil, je lui tiens la bride ferme. Et ce disant, le capitaine Boodle accompagnait ses paroles d'un geste comme s'il eût tenu la bride d'un cheval. Une jument dressée, voyez-vous, n'a pas la bouche aussi délicate. Il faut qu'elle sente le mort. Elle-même le préfère ainsi. Cela lui donne de la confiance. Elle sait à qui elle a affaire. Il ne faut pas oublier les éperons. S'il a des caprices, vite un coup d'éperon. » Et le capitaine Boodle, s'agitant sur sa chaise, ramena son talon en arrière comme s'il eût été à cheval. Puis il fit claquer sa langue et fit tous les gestes qui lui servaient à stimuler l'activité de sa monture. « Un bon coup d'éperon, répéta-t-il, elle ne vous en aimera que mieux. Elle verra que vous prenez la chose au sérieux. » Ce fut sur ce ton que le capitaine Boodle fit la leçon à son ami Archie Clavering pour l'aider à conquérir Lady Ongar, et Archie l'écoutait avec une attention profonde. « Voilà comment je m'y prendrai, Boodle, lui dit-il enfin. Et sur ma parole, je vous suis très obligé de vos conseils. » C'est là le vrai moyen, vous pouvez m'en croire. La personne en question n'est plus une pouliche. Il ne faut plus la traiter comme telle. Le capitaine Clavering croyait véritablement avoir beaucoup appris dans la conversation de son ami, et s'imaginait qu'il voyait son chemin tout tracé devant lui. Il resta toute la soirée dans le salon des fumeurs, gardant le plus profond silence, buvant lentement du gin frappé avec de l'eau. Et plus il en buvait, plus il croyait voir clairement ce qu'il avait à faire. « Je lui ferai sentir la bride, » se disait-il à lui-même, tout en secouant la tête tout doucement pour qu'on ne pût pas le remarquer. « Je la lui ferai sentir. » En ce moment, le capitaine Boodle était sérieusement occupé dans la salle de billard. Archie répéta intérieurement les préceptes qu'il venait d'entendre. Il repassa dans son esprit tous les termes qu'avait employés Boodle, imita ses gestes, et pendant quelque temps, un observateur attentif eut pu voir qu'il se croyait à cheval, franchissant un fossé ou une barrière. Il se renversait sur sa selle et serrait le flanc de sa monture. Puis venait le coup d'éperon. On pouvait voir le mouvement de son talon et entendre le léger claquement de sa langue pour exciter sa monture. 2 heures après, il était encore assis dans le fumoir, mordillant le bout d'un cigare, quand Boodle revint tout triomphant de la salle de billard. Archie, à demi endormi, ne s'aperçut pas de l'entrée de son ami, mais celui-ci s'approcha et lui répéta à l'oreille « Surtout, faites-lui sentir la bride !» Archie, réveillé en sursaut, tressaillit et pardonna à son ami en considération de la sagesse de son conseil. Puis il s'en alla, répétant tout bas les leçons précieuses qu'il venait d'entendre.